Le comité de direction nationale des sports a offert le 26 juin un banquet au restaurant en New Pyongyang en l'honneur des footballeuses coréennes qui ont gagné la Coupe du monde du football féminin du monde de 17 ans de la FIFA 2016. Y ont pris part Cha Ryong-hee, président du comité de direction nationale des sports et vice-président du comité central du Parti du travail de Corée, les cadres intéressés, les joueuses, les entraîneurs et leurs familles.